couleur, s'il vous plaît. Amis du monde, amis des ondes, bonjour, c'est Cargo Cult. Et oui, un Cargo Cult tout couleur aujourd'hui. Bon, j'ai jamais pensé que la radio c'était en noir et blanc, au contraire, il y a plein d'images dans la radio. Mais des fois on peut avoir des images totalement chatoyantes et belles comme des fraises tagada bien gonflées. C'est exactement ce qui nous attend aujourd'hui. Alors je vais beaucoup associer d'ailleurs le visuel à l'audio, parce que mine de rien, c'est quand même de musique dont on parle. Et ça va être la musique en lien, et même celle de Pippi Lotti-Harris. Voilà, grande dame de l'art contemporain, et ma foi, sa discipline c'est l'art vidéo. Alors un art vidéo très étendu, dont on est d'accord. Mais a priori, pas la musique, pas fondamentalement. Et pourtant, la musique a une place extrêmement forte dans l'œuvre de Pippi Lotti-Harris, et quand bien même elle ne compose pas, en fait, elle écrit quand même des chansons, elle l'a fait valoir, et très spécialement autour d'un album qu'on va écouter là, qui est un peu particulier, c'est Peppermint, c'est la bande originale d'un film. Et donc c'est le film de Pippi Lotti-Harris, c'est un très long métrage, c'est un film de... Pippi Lotti-Harris était une habituée des galeries depuis le début des années 90, et elle s'exprime au travers de petites vidéos, de films courts, qui dure une dizaine de minutes, peut-être un peu plus long, mais des fois moins aussi. Et là, tout d'un coup, le grand format, présenté à Cannes d'ailleurs à l'époque, bon, selon Franck, n'a pas remporté d'adhésion, enfin très peu, très très peu, surtout pas dans le milieu cinématographique, bien plus dans le milieu de l'art, certes. Est-ce que le film est une réussite ? C'est pas si évident de le déterminer, mais j'en parlerai, parce qu'en fait, il mérite d'être vu en contexte, et peut-être pas strictement dans une salle de cinéma, c'est souvent un siège, quoi. Il y a probablement un truc là-dedans. Par contre, et ça c'est un maître mot de toute l'œuvre de Pippi Lotti-Harris, c'est comment la musique, comment finalement, probablement la musique dans ce cas-là de plus pop, peut être le creuset d'une expression assez particulière de Pippi Lotti-Harris. Alors détaillons un petit peu, c'est qui c'est Pippi Lotti-Harris. Artiste, elle est de Zurich, c'est une artiste suisse. Et vous savez, c'est très marrant parce que Pippi Lotti-Harris, c'est à la fois une artiste très intimiste, c'est une artiste qui fait énormément appel au corps, qui est quelqu'un qui finalement a inventé un féminisme qui allait succéder au féminisme hardcore un peu engagé des années 80. Il n'y a pas si longtemps, on a parlé de Caroline Finlay, par exemple, ici. Si là, on n'est pas dans un féministe punk, en tout cas post-punk déchiré, autant le dire violent, je vois pas ce qui peut dépasser ça. Et ma foi, cette génération du post-punk, on pourrait citer, avoir pour le peu une voix chanteuse comme Lydia Lunch, dans les années 90, il ne s'agissait pas de faire péter le bouchon encore plus haut que ça, c'était peut-être imbattable. Mais du coup, il fallait peut-être inventer un féminisme léger, mais très incisif dans la légèreté. Mettre du fun dans l'art contemporain, mais derrière le sourire, imposer une réflexion finalement assez particulière. Toute la carrière de Pippi Lotti-Harris est comme ça, est en fait à double tranchant. Bien sûr, il y a des oursins dans le gant de velours. Et bien sûr, dans ces images totalement post-psychédéliques, on est en espèce d'after de rêve rêvé, hein, si vous voulez. Quoi. On a tous rêvé ça en after de rêve en 1992. Pippi Lotti-Harris l'a fait. Mais attendez, ça ne veut pas dire que ce soit uniquement consensuel. Donc cet artiste, comme ça, en apparence très très très très enjoué, c'est quelqu'un qui, alors c'est pour son vrai nom, Pippi Lotti-Harris, elle naît quand même Elisabeth Charlotte Rist. Et elle va prendre ce nom de Pippi Lotti-Harris. En fait, elle va combiner le petit surnom qu'elle avait dans son enfance, Lotti. Mais elle va le combiner avec celui d'une héroïne de série de livres pour enfants, particulièrement connue en Suède. Et le nom de cette héroïne, c'est Pippi Longstocking. Les aventures de Pippi Longstocking, bon, qui n'ont pas dépassé le cadre de la Suède et puis du Nord, comme ça, de l'Europe, ça raconte l'histoire d'une orpheline très aventurière, plutôt enjouée, mais quand même très farouchement indépendante. Et qui, bien sûr, elle possède une force magique qui va l'amener dans des aventures incroyables. Bah, croyez-moi qu'il y a chez Ritz une identification de facto au personnage. Et quelque part, elle va réinventer ce personnage à travers ses œuvres. Toute l'œuvre de Pippi Lotiris, qui est donc une œuvre vidéo, insistons là-dessus, mais c'est aussi une œuvre musicale, on va le prouver là, et sur plusieurs formats d'ailleurs. Toute l'œuvre de Pippi Lotiris emprunte à la culture pop. Donc, qui dit culture pop dit musique, hein, c'est peut-être l'expression la plus pop qui est, hein, quand bien même elle est radicale, mais aussi à l'art vidéo, au cinéma, aux arts plastiques, ça va de soi. Beaucoup de fantaisie, beaucoup de glamour, beaucoup de couleurs chez Pippi Lotiris. Mais oui, j'insiste quand même là-dessus, au service d'un féminisme finalement assez nouveau. On peut le prouver par les représentations du corps qui sont complètement éloignées des conventions chez Pippi Lotiris. Il n'est pas rare qu'on y distingue vraiment une vraie sensualité. Un micro, mais une caméra comme ça, qui est tellement près du corps que ça en devient une abstraction, si vous voulez, quoi. Alors, faut s'attendre chez Pippi Lotiris tout ce qui est un peu exagéré aussi, c'est-à-dire des couleurs saturées, des projections comme ça un peu kaléidoscopiques. C'est un psychédélisme 2.0, c'est l'after de l'after de la rêve, si vous voulez. Et Peppermint'a va être l'acmé d'une explosion comme ça de couleurs. C'est un film qui date de 2009. On est dans un 20e siècle bien entamé. Et j'insiste sur le fait que ce film n'a pas marché, non seulement il n'a pas marché, mais il était un petit peu dénigré. Il n'a pas du tout trouvé un public cinématographique. Par contre, il a quand même un petit peu conforté l'audience arty que pouvait avoir Pippi Lotiris, mais elle l'avait déjà, et finalement le film n'a apporté rien de plus. Si ce n'est de la musique qu'on va entendre aujourd'hui. Et moi j'adore cette musique et j'adore le film parce que je vous parlais en préambule d'un contexte qui demande à ce qu'on le voit. Et ce contexte, c'est l'exposition, le contexte, c'est le musée. La Hayward Gallery avait consacré à Pippi Lotiris une grande exposition. La Hayward Gallery, c'est à Londres, c'est au bord de la Tamise. Une très grande galerie. Et elle avait consacré une rétrospective incroyable. Et où finalement, toute l'exposition s'articulait autour d'une arène relativement circulaire qui était un grand parc de jeux. Les gamins de 5 ans, comme les papis de 70, étaient absolument aux anges, bercés de projections de couleurs. Et le film principal était effectivement celui dont on va écouter la BO aujourd'hui. Et c'est un film qui avait une narration. On n'est pas dans la stricte abstraction, on n'est pas dans l'expérimental au sens propre. Elle expérimente beaucoup, certes, la Pippi Lotiris, mais pas, elle est aussi dans des schémas narratifs. C'est particulièrement le cas du film. Et dans ce film projeté de manière comme ça, semi-circulaire, plein d'autres petites œuvres, si vous voulez, qui, à la façon de poupées gigognes dans un complexe un peu plus grand, allaient comme ça révéler une œuvre dans l'œuvre. J'ai notamment souvenir de la plus petite qui est, beaucoup de spectateurs l'avaient raté d'ailleurs, qui est un Judas, vous savez, ces petits œilletons qu'on met derrière la porte pour regarder qui frappe ou qui sonne. Donc c'est quand même Judas, c'est grand comme l'ongle du pouce, quoi. Et ça, c'était à terre. Et donc, en imposant au public qu'il devinait ou pas, de se mettre à genoux, voire quasiment s'allonger pour poser l'œil à terre et regarder par ce Judas une toute petite micro-vidéo absolument extraordinaire, avec une petite vidéo en boucle sur une vingtaine de secondes. C'est extraordinaire. Et tout ça dans une œuvre qui prenait toute la Hayward Gallery et notamment cette projection panoramique assez gigantesque du film Peppermint'a dont on va écouter la bande originale aujourd'hui. Alors voilà, pour un petit peu faire le tableau de Pippi Lotiris, c'est parti de ces artistes aussi un peu des artistes entreprises, entrepreneurs. Et alors, je dis pas du tout ça avec condescendance, hein, parce que il y a effectivement, pour avoir mis les pieds dans les ateliers Ritz de Zurich, il y a 40 artistes qui travaillent là, qui sont souvent les meilleurs étudiants des écoles d'art environnantes, qui vont participer à la fabrication des installations, et puis le plus souvent de vidéos, etc., autour de Pipi Lothiéris. Donc c'est pas du DIY en chambre, quelque chose d'assez important. Et maintenant, bon, bah, le statut de l'artiste entrepreneur, bah, on sait qu'il existe. Et ma foi, pour le meilleur parfois, pour le moins bon parfois. Non, je dirais pas Jeff Koons, non, mais non, j'ai un peu pensé quand même. Voilà. Alors, le film. Le film, vous allez voir, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser des synonymes comme ça de ce qui est visuel. Le son est complètement visuel. Ça dépend de l'aventure, justement, d'une créature, c'est Peppermint'a. Peppermint'a, c'est le nom de l'héroïne. Et ça dépend exactement, ou en tout cas à quelque chose près, une influence de ce qui pouvait être l'héroïne des livres d'enfance de Pippi Lothiéris, et notamment cette petite Pippi Longstocking dont je parlais tout à l'heure en préambule, et donc qui est empruntée à l'univers des livres pour enfants en Suède. Ben là, c'est un petit peu celle-ci qu'on retrouve en version allemande. C'est une créature absolument formidable. C'est Amélie Poulain, si vous voulez, mais en sous extasie. Donc c'est forcément sympa. C'est une anarchiste joyeuse, mais en même temps vindicative, et qui va changer un petit peu le monde et les comportements selon là où elle est, quoi. Elle-même exprime un entre-deux. C'est une créature, en fait, un petit peu. Elle est filmée, d'ailleurs, à la façon de Pippi Lothiéris, comme ça, avec des plans très, très détaillés. Il y a beaucoup de sensualité, hein, d'ailleurs. C'est des plans comme ça, sur un sein, avec une caméra qui descend très, très lentement. Mais c'est une sensualité très, très organique. Bon, on le serait à moins, mais aussi voilà, dans une guimauve, dans quelque chose de très nuageux, dans des fraises tagada géantes. Et je vous dis qu'il serait un petit peu combiné aux vapeurs des afters et de la musique électronique de l'époque. C'est évident que Pippi Lothiéris se trouve comme ça à son public, mais elle va aussi être quelqu'un qui va... c'est étonnant d'ailleurs, elle va influencer au-delà des chants-là. Il y a... un des clips les plus connus de Pippi Lothiéris, c'est... alors par contre, j'ai du mal à me rappeler exactement le nom. Oui, c'est cette fameuse vidéo de 97 qui s'appelle « Ever is over all ». C'est une vidéo courte, elle fait moins de 10 minutes, dans laquelle une femme brise les vitres de voitures qui sont dans la rue, avec une fleur, une immense fleur. Mais cette fleur est en fait une masse, comme une batte de baseball, mais maquillée en fleurs. Et en marchant dans la rue, cette femme est toute habillée de blanc, elle est très belle, elle marche comme si elle flottait, une espèce de danse, comme ça. C'est très fluide. Et en même temps, bah, son geste, lui, est complètement destructeur, puisqu'avec cette fleur, elle détruit les voitures en marchant. Ça a été une des premières œuvres très remarquées d'un Pippi Lothiéris. Elle a embarqué le prix Premio pour les artistes émergents de la Biennale de Venise avec ça. C'était en 2000. Et bah, quelques années après, Beyoncé s'est accaparé le même concept. Mais c'est une accaparation, c'est pas du vol, hein. C'est-à-dire que c'est clairement une citation. Et elle se l'est accaparée de manière très intelligente. C'est le morceau Hold Up de Beyoncé, c'était un tube. Non, Beyoncé, en général, ça passe rarement inaperçu, et c'est un des morceaux forts de l'album Lemonade. Et elle l'a inversé, le concept. C'est-à-dire que Beyoncé, elle, est habillée en fleurs, mais elle a bien dans la main une véritable batte de baseball, cette fois-ci. Et, même geste, elle avance nonchalamment sur une avenue et détruit les pare-brises de voitures dans une marche accompagnée par le morceau donc Hold Up de Beyoncé. Voilà, C'est très intéressant que la culture pop récupère finalement les codes de quelqu'un comme Pipolotiris. Pipolotiris étant au départ quelqu'un qui récupère aussi les codes de la culture pop. Donc voilà, la boucle est bouclée, comme on dit, et plutôt bien. Au milieu de ça, la musique qu'on va écouter aujourd'hui, du coup, se situe parfaitement dans cette atmosphère de la fin des années, de la fin des années 2000. Je propose qu'on y rentre tout de suite. C'est tout doux, tout mignon. Trop mignon pour être vrai, j'ai presque envie de dire. Et on continuera, et peut-être on va plus explorer justement la musique en tant que telle autour de Pipolotiris avec la deuxième partie de cette émission. Mais trêve trop de parlotte, on va rentrer dans l'album. Je vais quand même préciser que, parce que Pipolotiris ne fait pas tout seul, je dis, voilà, le compositeur du truc et le principal opérateur finalement électronique de tout ça, c'est Anders Gisberg. C'est vraiment un pote à Pipolotiris et qui s'est exprimé pratiquement qu'avec elle. Et associé aussi à un technicien, mais dont le nom est dûment marqué quand même au générique, comme les compositeurs, qui s'appelle Roland Widmer. Et qui lui est plus dans la fabrication de BO de films, enfin qui est plus institutionnalisé, si on peut le dire. Alors quand Anders Gisberg, lui, il a eu un parcours un petit peu comme Pipolotiris, son copain de toujours. Et dès 95, ils signaient des bandes son ensemble. Mais comme je vous le disais, on y vient. En queue d'émission. Bienvenue dans ce cargo culte à tout niveau jouissif et savoureux, absolument coloré, au sens propre, hein, tous les titres renvoient à une couleur. Le pourpre, alors Peppermint, voilà, couleur si on veut, hein. Pepperminta c'est l'héroïne mais c'est aussi une couleur, je vous dis pas laquelle. On parle d'orange, on parle de violet, on parle de Weiss, tous les titres sont en allemand. Alors, non, je me noie dans l'allemand, hein, pardon pour tout. Bon, Weiss, ok, j'arrive à me rappeler que c'est blanc. Et puis le violet aussi. Donc bienvenue dans cet échange de couleurs. On se retrouve dans 40 minutes pour la deuxième partie de cette émission. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie tief ein und entspannen Sie Ihre Lippen. Don't wait. Ich bin Pepperminta. Ich bin hier hineingeboren worden. Meine Großmutter sagte, es sei immer der richtige Zeitpunkt, geboren zu werden. Vom Typ her bin ich wahrscheinlich eine Karotte. Ich bin nicht zu süß, nicht zu sauer, nicht zu scharf und auch nicht zu salzig. Ich bin Pepperminta. Thank you. Was hätten Sie denn gerne? Ich möchte zuerst Himmelsspaghetti in einer Rotkrautsoße und dann Rosenblüten mit Schokokapern. Wir machen Fehler. Und das schmeckt gut. Ein Fehler gebraten. Ein Fehler frittiert. Wir machen Fehler. Und das tut gut. Schon allen passiert. Wir machen Fehler und das schmeckt gut. Ein Fehler gewaschen, ein Fehler püriert. Wir machen Fehler. Es ist Ihnen doch klar, dass wir Sie der Polizei ausliefern werden. Wir behandeln dich wie ein rohes Ei. Wir fressen an Kartoffeln einen Affen. Wir machen Fehler. Wir schießen wie Pilze aus dem Boden. Das schmeckt gut. Wir essen die Schweine mit Haut und Haar. Fehler gebraten. Wir werfen den Apfel weit vom Stamm. Wir versetzen Butterberge. Wir machen Fehler. Wir essen die Nuss mitsamt der Schale. Wir hören die Melonen wachsen. Es ist schon allem passiert. Wir dürfen hier das Wasser reichen. Wir nehmen kein Salatblatt vor die Nase. Das schmeckt gut. Wir machen Fehler. Und das schmeckt gut. Und das schmeckt gut. Ein Fehler gebraten. Ein Fehler gebraten. Ein Fehler frittiert. Ein Fehler frittiert. We'll be right back. ruhig und regelmäßig. Ruhig und regelmäßig. Die Stirn ist kühl, der Kopf ist klar. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, geboren zu werden. Thank you. Thank you. unser Leben gleicht der Reise eines Wanderers in der Nacht. Jede hat auf ihrem Gleise etwas, das ihr Kummer macht. Etwas, das ihr Kummer macht. C'est fini la petite l'aventure de ce film. Vous allez voir, People of Tyris manque pas de ressources. C'est évidemment du second degré. Parce que derrière ces sucreries comme ça, un peu exagérées, hein, et l'image, elle est finalement au même titre que la musique, peut-être même encore plus dégueulante de couleurs chatoyantes. Mais alors, dans le mot dégueulé, il ne faut pas y voir quelque chose de trash, quoi. Par contre, je suis certain qu'il y a quelque chose de politique dans cette revendication apparemment enfantine chez People of Tyris. C'est vraiment loin d'être anodin. Et pour s'en convaincre, je crois qu'il faut faire un petit peu un retour en arrière sur pas mal de vidéos, peut-être justifier le positionnement de People of Tyris quand elle a fait ce film et la BO qui l'accompagne. Finalement, elle est un peu outrageusement trop produite. Et elle est passée par des phases beaucoup plus DIY et finalement un peu sans le sou. Parce qu'à cette époque-là, en 2010, People of Tyris, c'est une industrie, je vous le disais quasiment. Mais quand ça travaillait dans le garage, c'était presque plus intéressant. J'y viendrai. L'idée de faire un film pour pouvoir toucher un autre public que celui stricto sensu des galeries d'art et habitué à ses vidéos précédentes, ça reste quand même une idée tout à fait louable. D'autant plus qu'elle n'aura pas du tout abandonné le langage et les codes visuels qu'elle avait développés jusqu'à présent, quoi. Et en ce sens-là, elle est pile-poil, People of Tyris, dans ce concept de troisième cinéma. Ce troisième cinéma, c'est cet entre-deux, finalement, entre l'art d'un côté, le ciné de l'autre. Alors un entre-deux, c'est cette voie du milieu qui finalement n'a pas forcément trouvé résonance. Mais ce concept, surtout dans les années 2010, pour ce qui faisait foi, c'est l'historienne d'art Pascal Casagno qui avait, je pense, trouvé ce terme-là et on pouvait rassembler quand même pas mal de pratiques derrière ça. Je vais revenir un peu, et puis pour le peu, rester dans l'illustration de la musique et pour la musique. La collaboration... avec Anders, donc Anders Gugisberg, pardonnez la prononciation, c'est dégueulasse, je m'en veux un peu, on va rester sur les prénoms, elle est actée dès 1995. Et quant aux premières vidéos, et celles qui vont sensibiliser un petit peu à la fois l'audience et critique d'art, mais aussi ce questionnement d'un nouveau féminisme, d'un féminisme coloré, mais néanmoins acerbe, ça date du début des années 90. Elle l'invente presque, j'ai envie de dire. Ce petit film, Pickle Porno, on le voit en ligne, c'est vraiment une vision féminine extrêmement personnelle de l'érotisme. Pickle Porno, c'est peut-être, oui, dans un sens, un film porno. Mais comme la vidéo, elle met l'accent sur une découverte quasi microscopique du corps. C'est une découverte épidermique. Vraiment au sens propre, c'est-à-dire que c'est une exploration de l'épiderme jusque dans les parties les plus intimes. Mais tout ça avec une micro-caméra miniature. Donc il n'y a rien d'une scène qui pourrait être supposée sexuelle ou même strictement sensuelle. C'est une exploration du corps à corps, de la technologie au corps. Et on a retrouvé beaucoup ça après comme thématique chez People of Tyris. J'ai mentionné cette fameuse vidéo Ever is Overall, et ça c'est en 95, donc même un peu après, en 97, et l'appropriation assez célèbre qu'en fera justement Beyoncé en retournant finalement l'objectif du clip à sa manière, habillée en fleurs et une batte de baseball à la main en éclatant, si vous voulez, une rangée de voitures le long d'une avenue où elle marche, ça laisse pas... Totalement. C'est ni inaperçu, ni inodore et sans saveur, quoi. Alors, retour à ce troisième cinéma qu'inventait peut-être un petit peu Pipo le Tyris, et de manière, au départ, un peu plus expérimentale. Et revenons à la meilleure musique qu'elle ait faite. D'habitude, les bonus tracks de Carc Occulte, c'est une cerise sur le gâteau. Et là, en fait, non, j'ai mis la cerise en premier. Bon, une belle cerise, hein. Une cerise tagada. Mais là, maintenant, je vous donne le gâteau. Et de fait, elle est restée célèbre pour ça, avec ce fameux « I'm victim of this song ». Alors, c'est un clip au départ. Et ma foi, si je traduis littéralement « Je suis victime de cette chanson », vous allez voir où je veux en venir. Le film est assez low-tech, c'est filmé dans un restaurant, l'image est très vaporeuse, elle est ralentie beaucoup, et ponctuée d'inserts photographiques en noir et blanc, de nuages en mouvement. La bande-son, elle, est une reprise qui est chantée par People of Tyris elle-même, et c'est une reprise d'une chanson de Chris Isaak. Chris Isaak, c'est un crooner 2.0, j'ai envie de dire, qui est apparu dans les années 80 et qui a vraiment marqué assez bien son temps avec 2-3 morceaux formidables, et dont cette ballade assez intemporelle et pour le peu très belle, s'appelle The Wicked Game. Et la reprise de Pipi Lotteris est absolument formidable. Alors elle convoque tout le glamour de l'original, mais elle y ajoute une acidité et une espèce d'hyper-excitation. Je n'ai pas de l'écrire davantage, vous allez juste voir comment chante Pipi Lotteris, parce qu'évidemment, ce n'est pas une chanteuse, et c'est parce que ce n'est pas une chanteuse qu'elle va absolument exceller dans ce truc-là. Et du coup, ça a lancé quelque chose qu'on ne peut pas appeler un projet, mais qui a quand même, qui s'est quand même pérennisé dans certaines actions, toujours où Pipi et Anders s'associent ensemble, et jusqu'à une édition très rare. Et bravo au Musée d'Art Moderne d'avoir édité ce truc-là à l'époque. C'est un mini-disque, c'est un petit CD qui accompagnait la sortie du livre, mini-catalogue Himalaya, Pipi Lotteris, 50 kilos. C'est édité en 97 ou 18, enfin vraiment juste à l'aube des années 2000, à la fin des années 90, par le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et en accompagnement de ce tout petit bouquin, ben justement, là aussi, un CD, pour le peu très court, là c'est pas du tout un album, c'est 20 minutes de musique, mais justement constitué pour le lancement par cette extraordinaire reprise que je vous propose d'écouter tout de suite. Elle me laisse sans voix. Vous allez voir que Pipi Lotteris va vous laisser sans voix. Et quelques autres essais, finalement, plutôt transformés de voix et de participation, comme ça, d'échanges, justement, entre les deux protagonistes, Anders à la musique et Pipi Lotteris, texte et voix, dans ces échanges vidéo. Et c'est remarquable. Je trouve que ce disque est absolument remarquable. Collector absolu aujourd'hui, mais alors totalement trouvable en ligne. C'est-à-dire que, et surtout la reprise du Chris Isaak, elle est devenue peut-être aussi célèbre que l'original. Et moi, j'ose dire qu'elle est meilleure. Alors que l'original est vachement bien aussi. Mais on est dans la parfaite accaparation d'un phénomène pop culture. Chris Isaak était un phénomène pop culture. C'était lui-même un crooner, comme on dirait, pu en avoir dans les années 50, mais dans une résurgence 80s, avec un super son, très réverbéré. Il avait été acteur chez Lynch, hein, le Chris Isaak. C'était quelqu'un qui a une personnalité extrêmement intéressante aussi. Il est acteur dans le film Laura Palmer. Donc Twin Peaks, mais version longue. Je reviens donc à Chris Isaak, mais surtout à celle qui va l'immortaliser comme une icône. C'est comme Warhol qui prend Presley, si vous voulez. Bah, Pipi Lotteris, elle a pris Chris Isaak et elle a fait ça. Petit chef-d'œuvre, et le mini-disque rare aujourd'hui, mais que vous retrouvez en ligne, comme je le dis, va nous amener jusqu'à 12h30. Ça doit faire à peu près les 25 minutes qui nous restent pour clore ce programme. J'étais extrêmement heureux de partager ce moment avec vous autour de Pipi Lotteris. C'est une artiste qui en vaut la peine. À très vite. With you.

океан стать долом. Деньям, атрам, хепен, эркен, кралитам, хам. Wenn es in bleibende Almosan mir blasak, gebe, gebe, gebe, gebe Elmas, Elmas. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre vol à destination Turnover to You Deep Inside. Auch wenn Sie verletzt sind, auch wenn es schwierig scheinen mag, sind wir vor 5 Minuten abgehoben. Die Liebe ist unklar, darum bleiben Sie bitte angeschnallt. Beachten Sie den Orbit, Mondaufgang, Sternenstaub. Beachten Sie links und rechts Ihre Nachbarn. We are on the way to find you, so please forget who you are. Nous vous remercions de choisir, choisir, choisir. Mm-hmm. Your saliva is my just